Massif Tégou. Be. Electricity. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Cette semaine, je vous ai trouvé une belle sélection de musique gratuite. Donc, c'est assez simple. Si vous aimez les pièces, ben vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous n'avez pas à fournir une adresse de courriel ou aller sur un site de piratage ou etc. Donc, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez même partager la musique. Dans certains cas, vous pouvez même remixer les pièces. Donc, pour avoir accès à tout ça, ben vous vous rendez sur le site de l'émission. C'est au www.webmusique.org. Donc, vous allez avoir les liens et tout ce qu'il vous faut pour télécharger la musique. Cette semaine, on va débuter avec un groupe du nom de French Teen Idol. Je vous fais passer leur pièce Shooting, Can Have Differing Meanings. C'est publié sur l'excellent netlabel Nishi. Ensuite de ça, sur No Type, c'est le groupe Canovanic avec la pièce Colonel Green. Donc, on débute l'émission avec French Teen Idol. Thank you. pièce toute douce du nom de Colonel Green par le groupe Canovanic qui vient du district de Washington. C'était publié sur No Type. Avant ça, bon, on avait débuté Web Music avec un groupe italien, la ville de Rome, malgré leur nom qui. Leur nom, c'est French Teen Idol. C'était la pièce Shooting Can Have Different Meanings. Ça, c'était publié sur Nishi. On poursuit l'émission avec Aquarelle, qui est publié sur Enough Record. Je vais vous faire passer la pièce Episodio Quattro. Vous allez voir, une excellente pièce. Ensuite de ça, sur Lost Children Netlabel, un netlabel vraiment actif dans le monde du post-rock, mat-rock, et etc. Un netlabel qui vaut vraiment la peine, qui ont renouvelé l'image de leur site il n'y a pas si longtemps. Donc, allez faire un petit tour du côté de Lost Children. Donc, publié sur ce label-là, je vous présente From the Sky avec leur pièce Lost in the Woods. Ça va être tout de suite après Aquarelle. Thank you. Thank you. Certains aiment se laisser bercer par l'émotion d'une mélodie, d'autres aiment le côté énergique et festif de la musique. C'est pourquoi CKRL vous invite à une soirée bipolaire pour son 30e Radioton, samedi 2 avril à 21h à l'Ampli Québec. La soirée débutera tout en douceur et en mélancolie avec Monsieur Mono. Laisse le monde à son triste sort. Et Pépé prendra ensuite le relais avec son rock cocasse et percutant. Marion aussi, les deux artistes nous réservent d'autres surprises. La soirée bipolaire du Radioton de CKRL, le 2 avril à l'Ampli de Québec. 240 Saint-Joseph-Est. Ouverture des portes à 20h, 10$ à l'entrée. Laissez-vous guider par vos émissions. CKRL passe en mode financement. Devenez membre de CKRL pour seulement 25$ et soutenez la création radiophonique la plus inédite. Être membre de CKRL, c'est encourager les artisans bénévoles qui créent 365 jours par année des émissions de grande qualité. Être membre, c'est aider la relève artistique en musique, arts visuels, théâtre, littérature et la danse. Profitez de votre carte de membre en adhérant maintenant au coût de 25$ et bénéficiez de rabais chez plusieurs marchands de la région de Québec. À noter que votre carte est maintenant valide pour un an à la date d'adhésion. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de 300$ du restaurant Le Poisson d'Avril. Téléphonez au 88 640 2575 ou adhérez en ligne à ckrl.qc.ca. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Pour son 30e Radioton, CKRL vous invite à la maison. Du 1er au 3 avril, c'est l'événement annuel organisé au profit de la première radio communautaire en Amérique du Nord. Ainsi, les artisans du 89.1 vous proposent 3 jours de festivités qui feront date. Une programmation spéciale, des invités de marque et une foule d'activités qui sont d'autant de raisons pour accepter l'invitation. Du 1er au 3 avril, c'est le 30e Radioton de CKRL, rendu possible grâce à ses partenaires majeurs. La Barberie, la microbrasserie experte en bière artisanale exclusive, et la boîte à pain Café Napoli, réputée pour la qualité de son pain de fabrication artisanale et ses pizzas cuites au four à bois. Chez toi ou chez moi? Plus des succès oubliés des années 70, 80, 90. Tout ça dans la boîte à cassettes de Jean-Philippe Deschênes. Les mardis, dès 20h. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. On va poursuivre avec la deuxième demi-heure de Web Musique. Merci d'être à l'écoute. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va poursuivre avec deux artistes qui publient sur Dusted Wax Kingdom, un netlabel dont vous entendez souvent parler à l'émission si vous êtes des habitués. Donc, un netlabel que j'adore énormément. La première pièce qu'on va entendre, c'est par RW and Peter the Eight. C'est la pièce American Ninja avec un titre comme ça. J'avais pas le choix de faire passer la pièce. Ensuite de ça, c'est UFO Theoria avec la pièce Last Verse. Vous allez voir, ça aussi, excellent. Our very existence would depend on our ability to shoot game. Ninja, the time tries to injure or wind you with two slices. It's either my samurai sword or these other devices. I'm nice as apple pie. I'm nice enough to stab a Komodo guy right in the eye with a sigh for trying to be sly. You want a couple Chinese stars to your night shining corner trying to fuck a smoke screen. That's one of my teams. I'm an American ninja for going back to the 80s, yo. Then I'm an American ninja. I'm an American ninja. Got a bike that's a ninja. Better yet, a Corvette, a best yet. And if we're team time, bad check in. Jetty with a Betty, got a secret life, really seem like Yeti. One hung low on the low white game glow. Got the glow like show, putting all my ducks in a row. I was taught by the illest NASA's, yo. So bring your best roan, and I spend my time honing. I'm coming like Billy Hair, like I don't even care. Cause why? Cause I'm an American ninja. Better luck than the dumb fuck who got stuck. Sharp samurai out running the mug. Mike, I might be shy, but the black NASA dudes made me climb. So go ahead and drop a dime, well, I know where to find. I don't get out of line, cause I like to chop top. shots. Rather show them my spots or give them any props. No, I'm just not an understanding man. The wind you pitch to underhand or from a faraway land. I'm going with the deadly band. They don't play a guitar, but rather slice a couple of bars. A deadly ninja of a different pedigree. Instead of the dead have risen. See, it's me, the victorious, victorious, holding this, hold to this, my moldless. I invest a minute to hold, I guess it's true, but folding, yes, sold one until the folding too because of the view. It's super mention, no through what they do. He gets deadly binge on the drug binge. His name is Benji, bones my revenge. You pretend you didn't say that shit, and all I meant when it's time to quit. Soon, but yet, your demise is set. I don't know why I let patch your backs. Only good times I keep on my mind while I'm on a mess. It sounds delicious, but some shit off the list. Allow me to introduce you. Better put up the goose, it gets strung like a new show. We could get loose, this ain't a hoedown. But I see a couple of hoes, I might be down. Kinda down, kinda time I get slime. Despite what you might think, your shit stinks. So mellow, little fellow, catch a bell and girl say hello. They call me the alternate, I had a not check shop. But I thought of being wise with me not to drop how it is. I'll take you on a walk about, show you what the fuck I'm talking about. Now you get the bitch, you fucking light you up like a light fixture. First, just several loose ends, I'm at the old to start making new friends. I got bigger fish to fry, so homie, don't even try, cause why? Cause I'm an American ninja. I'm an American ninja. We'll be right back. C'était l'excellent Euphotheoria avec sa pièce Last Verse. C'était publié sur Dustedwax Kingdom, sur le même label. Tout de suite avant, c'était RW and P38 avec la pièce American Ninja. RW and P38 qui nous viennent de San Diego aux États-Unis. On poursuit avec un artiste publié sur Miasma qui s'appelle Afilas, qui vient du Turkménistan. J'ai pas fait passer beaucoup d'artistes qui venaient de ce pays-là. Donc, on débute avec ça. C'est Afilas. La pièce s'appelle Lifelong Fiction. C'était Alexis Virta avec sa pièce de Giant Catch 22. C'était publié sur le vénérable netlabel Monotonic. Avant ça, c'était Afilas avec sa pièce Lifelong Fiction. Donc, Afilas, un artiste qui vient du Turkménistan. On va terminer Web Music avec une dernière pièce. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre au www.webmusic.ca pour avoir accès à toute cette bonne musique. Vous avez accès pour télécharger gratuitement toutes ces pièces-là. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible si jamais vous avez manqué quelques pièces. Donc, c'est ça, on va se quitter sur une pièce de Silent Strangers qui s'appelle Focal Shift. Ça, c'est publié sur Section 27 Netlabel. Puis, tout de suite après, ça va être le Dr Franco qui va prendre les ondes de CKRL. Thank you.